Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Directement des studios du 89.1 FM à Trois-Rivières, voici les palmarès C'est Fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 22 au 28 février 2008. Je m'appelle Mathieu Plante et je vais être avec vous pour trois heures de bonne musique. On va découvrir des choses, quelques nouvelles entrées qu'on a reçues cette semaine, dont Téléphérique avec Lego System. On va aussi entendre Steve Hill avec Even. Mais on va commencer ça par Le Roi Poisson avec la pièce Premier Rang. La semaine dernière, nos numéros 1, c'était Gatineau avec Punch Up du côté francophone et The Hives avec Tic Tic Boom du côté anglophone. Est-ce que ça va tenir? Ça, il va falloir être là jusqu'à la fin de l'émission pour le savoir. Mais tout de suite, voici la nouvelle entrée en 15e position francophone. C'est Le Roi Poisson au Palmarès C'est Fou au 89.1 FM dans vos oreilles. Retourne au premier rang. when you've wasted years like days gone by. How and why gets hard to know when your days turn to nights and your light goes out. When you're losing sight of what life's all about. When you're that low, you don't get high, you get even. When you're that low, when you're that low, you close your eyes. When the sun starts to shine to make your cloudy day go away. When there's nothing left to lose and not a friend in sight. When you're falling down, left with nothing right. People look different when they're looking down. When the sun starts to shine, but will your cloudy day ever go away? 'Cause it can, and it could, and it should, and it's good, good, good, good, good. Oh, I'll do it again, won't you make it good? Anglophone, Heaven de l'album Develop My Heels dans les palmarès. C'est fou, juste avant, c'était le Roi Poisson ou The Kingfish. Avec premier rang, ça c'était le EP numéro 1. Un très très bon EP du Roi Poisson. On a hâte d'entendre d'autres pièces 2, mais là, on est très heureux d'avoir ces pièces-là parce que ça faisait longtemps qu'on les attendait aussi. Il nous reste une nouvelle entrée en 14e position francophone, mais avant, laissez-moi vous dire ce qui s'en vient plus tard dans les palmarès. C'est fou, on va avoir un album à tirer, à vous donner de Jean-Philippe un tout petit peu plus tard. On va aussi avoir notre capsule cette semaine à Vidon-la dans la question. On va aussi parler de vente d'albums au Canada. Tout ça est plein de plaisir d'ici la fin de l'émission dans environ 2h45 minutes. Le décompte est déjà parti. Ah, ça va être triste de se quitter ce soir. Mais commençons l'émission avec du bonheur. Que du bonheur, voici la 14e position anglophone Bob Mould, Who Needs to Dream, précédée de téléphérique, oui. Les voici avec l'écosystème. Toute nouvelle entrée dans les palmes au 89.1 FM. La rue s'éveille. Je me lève, me change et me revêt. Mon uniforme ciel est gris. Rendu dehors, je deviens n'importe qui. Dans l'écosystème, personne ne regarde autour de lui. Chase. Bob Mole dans 14e. Je me rappellerai jamais que cette fin-là. We Need to Dream, la 14e position anglophone, descend de 4 places de la part de Bob Mole. Son album, c'est District Line. Ça va très très mal pour Bob Mole, qui était une nouvelle entrée il y a 4 semaines de ça. Ça n'a pas monté très haut. Là, ça redescend déjà en 14e position, donc ça peut pas être bon pour Bob Mole. Du côté anglophone, juste avant, c'était Téléphérique avec Lego System. Ça, c'est une nouvelle entrée de leur album Le Fil Conducteur. Téléphérique et qu'on redécouvre à chaque nouvelle pièce. C'est toujours de plus en plus bon. Les 13e positions sont stables, toutes les deux. Du côté anglophone, c'est Plants and Animals avec la pièce Good Friend. Et du côté francophone, on va commencer par Hot Springs. Voici Fantôme Dinosaur au Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. Sous-titrage Société Radio-Canada. retour, Plants and Animals au palmarès, c'est fou! Vous êtes au palmarès, c'est fou, et voici Plants and Animals avec la 13e position stable anglophone, c'est Good Friend au 89.1 FM dans vos oreilles. I wanna say all the little things. Good Friend de Plants and Animals, stable en 13e position anglophone. Leur album s'appelle Park Avenue. Juste avant, c'était Hot Springs avec Fantôme Dinosaure. Elle aussi stable en 13e. Ça fait 12 semaines que c'est là, alors que Plants and Animals, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. L'album d'Hot Springs s'appelle Volcano. Ils étaient aussi en spectacle à Trois-Rivières la semaine dernière. Avant de passer, passons donc à nom numéro 12. Mais avant de faire ça, tournons la page, guiling, pour parler de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que pour les gens qui n'écoutent pas souvent C'est fou ou les palmarès, ben, vous savez peut-être pas que c'est plus que seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone, c'est aussi le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. On va faire les deux premiers dans ce bloc. Top 10 électronique, aucune nouvelle entrée et tout est stable à partir de la troisième position. En troisième, c'est Atomic Hooligan avec Sex, Drug and Blablabla. En deuxième, et ça c'est vraiment le nom de l'album, c'est pas juste moi qui dis blablabla à la fin. En deuxième, c'est stable, cinquième semaine de présence pour l'album Formless de Shane Newville. Et en première, c'est stable, deuxième semaine pour Chris Joss avec Telephonic Overdubs. Top 10 loud maintenant, une seule nouvelle entrée. En dixième, c'est Genghis Tron avec Board Up the House. En troisième, c'est stable, Annihilator, pardon. Prononce ça comme il faut. Annihilator avec Metal. Ça, c'est stable, comme je l'ai dit. En deuxième, descente d'une place pour Arion avec 01011001. Et en première, c'est plus 1 pour Pagan's Mind avec God's Equation. On fera le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums un petit peu plus tard, mais retournons à nos palmarès normaux. Gling. Où on était rendu à nos positions numéro 12. Les choses vont très bien, tout est très bon. La musique rock dans ton radio, comme on pourrait dire. Du côté anglophone, c'est de Mars Volta. Je suis ridicule. Avec Abrincula, ça c'est le nom de la pièce. Ça monte de 3 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Mais tout de suite, on s'en va entendre la 12e francophone qui, elle, descend de 2 places. C'est Tricot Machine et une histoire de mitaine. Et ça se passe maintenant au Palmarès C'est fou au 89.fm. J'avais un trou dans le pouce et j'étais carotté. Je me suis retrouvée dans ce lot, la gratte venait de passer. Tu comptais sur 5 doigts et tu étais gauché. Tu es tombé d'une poche sur le trottoir glacé. J'ai failli me noyer, pour te faire écraser. Mais des passants dévoués nous ont accrochés. Moi sur un parcomètre, expiré mais quand même. Pour toi, souffle plus dur. Sur un pic de clôture. C'est juste une petite rengaine, plus ou moins réussie. Une histoire de mitaine, plutôt mal assortie. Une histoire comme je les aime, toutes effilochées. Avec un happy end qui vient tout rattraper. Je faisais des tatas de bord en bord de la rue. Tu faisais ton tarla comme si t'avais rien vu. Une main m'a ramassé en fin d'après-midi. Poursuivant son chemin, elle t'a pris toi aussi. Tout mouillé en tapant dans un sac d'épicerie. Plein de contre-cuir, tu m'as enfin souri. J'ai vu que t'étais pas con. Vu que j'étais droitière, on a séché ensemble sur le calorifère. C'est juste une petite rengaine, à moitié réussie. Une histoire de mitaine, plutôt mal assortie. Une histoire comme je les aime. Effilochée avec un happy end qui vient tout rattraper. Je le sais que c'est qu'elle t'aime, mais c'est l'histoire qui me vient. Il va quand on se promène, tu me tiens par la main. Thank you. C'est fou dans vos oreilles. Yeah. La formation de Mars Volta avec la pièce Aberrincula de leur album Bedlamin Goliath. C'est la 12e position anglophone. Ça a monté de 3 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Ça monte tranquillement pas vite pour The Mars Volta. Justement, c'était Tricot Machine, une histoire de mitaine qui descend de 2 places. C'est tiré à sa fin pour cette pièce de Tricot Machine. Presque toutes les pièces de l'album ont passé par nos palmarès, donc c'est bon pour eux quand même. Avant de passer aux positions numéro 11, c'est-à-dire Flogging Molly et Alex Champigny, retournons voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Gling, gling. Tantôt, on a fait le top 10 électronique et le top 10 loud. Maintenant, voici le top 3 des disques canadiens. Aucune nouvelle entrée. Tout est stable pour les 3 positions. En 3e, on retrouve The Feminists avec Can't Scream Loud Enough. En 2e, Madcaps avec Kiss the Lion. Et en première, pour la 18e semaine de présence dans le top 3 des disques canadiens, c'est Devil at My Heels de Steve Hill. Côté top 30 des albums, quelques nouvelles entrées. En 30e, The Blue Seeds avec leur album éponyme. Et en fait, c'est la seule nouvelle entrée, je regarde ça. 3e position, Sundry Lurkey avec Dan in Real Life. 18e semaine de présence, et là, c'est stable. En 2e, ça monte de 4 places. 4e semaine pour Horror Pop, c'est Kiss Kiss Kill Kill. En première position, ça monte d'une place. 20e semaine de présence, Steve Hill avec Devil at My Heels, encore une fois. Donc, Steve Hill qui est au top. La première position du top 3 des disques canadiens et du top 30 des albums. Tout ça en plus d'être une nouvelle entrée maintenant en 15e anglophone avec sa pièce Even. On est rendu aux positions numéro 11. Du côté anglophone, c'est Flogging Molly avec Requiem for a Dying Song. Ça, c'est stable. Mais avant, on va l'entendre une pièce d'Alex Champigny. C'est Reste à l'envers. Ça monte de 4. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Et c'est tout de suite dans les palmarès. C'est fou. L'émission qui condense la meilleure musique que c'est fou à vous offrir en un bloc de 3 heures. C'est compact. C'est comme une Smart. Aussi bon pour l'environnement. Un autre soleil passe devant tes lourdes brumes. Derrière la fenêtre, je m'évade. Je pense à un rêve où nous allions chercher le bord du monde, le dernier rivage. Tu ne manqueras pas de Requiem for Dying Song de Flogging Molly, stable en 11e position anglophone. C'est de l'album Flute. Et juste avant, c'était Alex Champigny avec Reste à l'envers qui monte de 4 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Et l'album s'appelle Bouddha Ciné Roll. Excellent album d'Alex Champigny. On aime vraiment ça. C'est assez fou. C'est vrai. Mais évidemment, on dit souvent, mais la plupart des choses qui se retrouvent au palmarès, c'est des choses qu'on aime. Ça n'a pas vraiment le choix. Hein? C'est, serait bizarre de passer des affaires mauvaises dans les palmarès. C'est fou qui est un condensé de ce que c'est fou a de meilleur à vous offrir. J'ai pas vraiment besoin de vous répéter le concept de l'émission. Ça le dit dans le titre. On est rendu aux positions numéro 10. Hein? Déjà, les positions numéro 10 du côté anglophone, c'est Yoav avec Club Thing qui monte de 2 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Mais tout de suite, on va aller entendre une pièce qui est là depuis 10 semaines, mais qui maintenant descend de 5 places. Donc peut-être devra-t-elle partir un jour. C'est les Cafards des Psycho Riders. Psycho Riders! Au premier, c'est fou! Au 89.1 FM! Oh, des Cafards! Club thing. Things as sweet as it looks on my TV. You need a cold soul of concrete, yeah. And you gotta feel without pity. You need a cold soul of concrete, yeah. just like the soul of the city. Would you say watches from the corner, he waits for her to stumble. He knows that he's the king of the cardboard jungle. He knows he can't afford what it pays to enslave her. Well, he's got a hunger for the sweetest that he has. Club thing. Là-dessus que se termine la première heure des Palmarès. C'est fou. Petit résumé de ce qui s'est passé depuis le début de l'émission. En 15e position francophone, c'est une nouvelle entrée. Le Roi Poisson est premier rang. En 14e, une autre nouvelle entrée. Lego System de Téléphérique. En 13e, Fantôme Dinosaure de Hot Springs. En 12e, ça descend de 2, une histoire de mitaine de Tricot Machine. 11e, Reste à l'envers d'Alex Champigny. Et on vient d'entendre les Psycho Riders avec les Cafards qui descendent de 5. Ça, c'est en 10e francophone. Du côté anglophone, nouvelle entrée en 15e, Even de Steve Hill. En 14e, ça descend de 4, Who Needs to Dream de Bob Mould. En 13e, Good Friend de Plants and Animals. En 12e, Aberinkula de Mars Volta. En 11e, Requiem for Dying Song de Flogging Molly. Et on vient d'entendre Yoav avec Club Thing qui monte de 2 places. Dans la 2e heure, restez là pour Hot Chip, Shane Phillip et Rudy Kaya. Oh, pas mal, c'est fou! Rebonjour, c'est la 2e heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 22 au 28 février 2008. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Bon retour à la maison, vous soyez mes gentils petits palmiers. Oui, je suis Mathieu Plante. Et oui, je suis seul cette semaine. Triste. Dans cette 2e heure, on va entendre un paquet de bonnes choses, dont Rudy Kaya, dont 4D, Jean-Philippe. On va d'ailleurs avoir un CD à vous donner de ça. On va aussi entendre Aiden et Shane Phillip. Mais on commence par Rudy Kaya, voici... par Nico Lelièvre, oui, je devrais suivre ma feuille, ça serait peut-être mieux. Nico Lelièvre avec la pièce Les Fous qui monte de la 14e, et juste après, ce sera Hot Chip avec Out at the Pictures. Au palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Je m'assume et je me consume chaque fois que je respire. Je m'estime très chanceux chaque fois que je le veux. Il n'y a que mes sens, sans ça je n'existerai pas. Papa, les virages, les plaisirs et puis la rage. Les plaisirs et puis la rage. Je me fous du monde entier. Sans liberté. Je me fous du monde entier. Sans liberté.

Hot Chip et Out à The Pictures en 9e position anglophone. Ça monte de 5 places et j'adore ça. Et juste avant, c'était Nicolas Lièvre avec Les Fous qui, elle aussi, était en 14e la semaine dernière. Elle aussi, c'est une nouvelle entrée. C'est des pièces jumelles, si on veut. L'album de Nicolas Lièvre s'appelle Parallèle. Celui de Hot Chip, c'est Made in the Dark. Avant d'aller entendre nos 8e positions, Rudy Kaya et puis Aiden, regardons un petit peu les disques qui ont été les plus vendus la semaine dernière au Canada. En fait, c'est pour la semaine qui se termine le 21 février 2008. Quelques nouvelles entrées à signaler. Il faut plonger jusqu'en 91e position pour retrouver quelqu'un, l'homonyme de l'animateur de rock classique ici, assez fou, c'est Alain Lefebvre, mais sans le B. Schubert, Clavier Stocker, c'est son album, très très mal prononcé de ma part, mais il faut me pardonner pour ça. En 5e position, c'est une montée de la 23e place pour Amy Winehouse avec Back to Black. Les trois prochaines positions sont des nouvelles entrées. En 4e, on retrouve Thriller 25th Anniversary Edition de Michael Jackson. En 3e, c'est CD and Color avec Bring Me Your Love. En 2e, le nouvel album de Simple Plan. Et en première position, c'était aussi la première la semaine dernière, c'est Jack Johnson avec Sleep Through the Static. Voilà, ça c'est les albums les plus vendus pour la semaine qui se termine le 21 février selon Nielsen SoundScan. Et c'est les disques du Knitty. Voilà. On est rendu à l'opposition numéro 8 dans les palmarès C'est Fou. Un condensé de ce que C'est Fou a de meilleur à vous offrir. On les prend. C'est comme la machine à saucisses. On met tout là-dedans, crinque un petit peu, ça fait des beaux petits tubes de hit. Hein? C'est beau quand même comme image. Pas vraiment. Du côté anglophone, la 8e, c'est Aiden avec Infield and Town qui monte d'une place. C'était une nouvelle entrée il y a 3 semaines. Mais juste avant, voici Rudy Kaya et le taureau. Au 89.1 FM. Commencez la poussière. Vider mes tiroirs, j'ai encore de la misère, tout seul à soir dans le miroir. C'est vrai qu'on fait sa chance, tu travailles pas, tu chantes. Des rêves en boucan, à des années-lumière, y'a même une coupe de panne. M'écoute dans leur char, faut pas trop que j'y pense. Petite vie, petite misère. Juste une autre mélodie, juste un autre petit sourire. La mort peut bien courir, moi je me fais juste applaudir. Trois taureaux par les cornes. Pour mieux garder la forme, c'est à mourir de rire. Mais j'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. Des trophées poussiéreux, des journaux déchirés. T'es pas un peu trop vieux, moi je t'avais oublié. T'as dû te faire une fortune, non mais j'étais bien heureux. Le plaisir retrouvé, du monde qui veulent juste jouer. Éclairez vos soirées, pour allumer vos étés. Les yeux qui disent merci, je veux plus partir d'ici. Juste une autre mélodie, juste un autre petit sourire. La mort peut bien courir, moi je me ferais juste applaudir. Trois taureaux par les cornes, pour mieux garder la forme. À mourir de rire, mais j'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. C'est fou dans vos oreilles. it easy. It's what we need to do right now. Cruel and weary, but just some words that use for how I see us around this uptight town, tempting us just to weighing us down. But we think of leaving out of the rush, into the slow, the clouds let go, the sun and show, the city lights took off her clothes. And now you know how we feel. We're like spokes in a wheel of a bike in some field. Aiden avec In Field and Town, la position numéro 8 du côté anglophone, ça monte d'une place, troisième semaine de présence. Et juste avant, c'était Rudy Kaya avec Le Taureau qui, elle, monte de 4 places dans les palmarès. C'est fou, oui! Un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On le fait à chaque semaine, tous les vendredis soirs de 17h à 20h et mercredi après-midi de 15h à 18h. Nouvelle case horaire pour la rediffusion. Prenez-la bien en note, elle est aussi bonne que l'original. Pas du tout. Petit tour du journal Zone Campus, c'est ce que j'ai envie de faire avec vous parce que vous savez, le journal de l'UQTR, le journal des étudiants de l'UQTR est là à chaque deux semaines en kiosque un petit peu partout sur le campus d'université et dans plusieurs commerces dans la ville de Trois-Rivières. En couverture cette semaine, on retrouve le grand titre « Les étudiants contraints à l'endettement ». Il y a un gros dossier spécial là-dessus avec des articles qui se nomment par exemple « Les étudiants hypothèquent leur avenir » ou encore « Étudiants et précarité financière » ou « L'endettement étudiant, un sujet tabou » ou encore « Quand les chiffres parlent d'eux-mêmes ». Vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations sur le financement et puis les dettes des étudiants. Voilà, ça a rapport avec l'argent. Il y a aussi un article sur la négociation syndicale des professeurs qui était à jour au moins en date de la sortie du journal. Moyen de pression accru d'ailleurs. Voilà. Ensuite, du côté de l'éditorial, Elisabeth Marino parle d'un sujet qui va faire parler bien les gens. Le titre, c'est « Que Dieu bénisse les charrues ». Hein? Et ça parle de l'hiver. Voilà. Ensuite, il y a une caricature. Il y a aussi un texte d'opinion par des étudiants de l'UQTR et de l'UQAM et aussi de l'Université de Montréal. Ça s'appelle « Étudiants et classes moyennes, même combat ». Dans la section « Vie étudiante », il y a des nouvelles du QTR en spectacle, de l'AEDC, de l'ITR, l'UQTR, CIIU et puis du CGA. La question Vox Pop de la semaine, c'est « Pensez-vous aller voir les Patriotes durant les séries éliminatoires? » La chronique de Guillaume Chenette-Janson s'appelle « La Camelotte ». Ensuite, si on se tourne à l'art et spectacle, il y a une critique de du spectacle de Dumas, Énergie rock et bête de scène. Il y a aussi une critique du spectacle de Urbain Desbois, on le dit original et talentueux. Ensuite, les Nuits polaires se retrouvent dans la section art et spectacle. On dit que Trois-Rivières a eu chaud, avec entre autres un spectacle de Tricot Machine. Il y a aussi un article sur Biobazar qui a lancé son album Sainte-Cécile. Très très bon, on l'aime beaucoup. On parle aussi de Magasinard, une émission de C'est fou, un retour à la maison culturelle que vous pouvez écouter sur nos ondes tous les mardis de 16h à 18h. Ça, c'est avec Mathieu Ferland, l'émission Magasinard. En sport, enfin une victoire contre McGill en soccer féminin, une première dans l'histoire des Patriotes, article qui fait quand même un bon résumé des événements. Ensuite, Ghislain Tapsoba s'éclate, 3 buts contre McGill, ça c'est en soccer masculin. Les Patriotes hockey ont dit que le mauvais sort est brisé, une victoire qui insuffle une dose de confiance pour l'étape suivante, ça c'est un article de Philippe Antaya au sport. Il y a aussi les Patriotes champions de division et puis en natation, il y a un résumé du championnat provincial de natation universaire. Carol et Antil volent la vedette. Voilà, ça c'est dans le prochain numéro, celui qui est déjà en kiosque du journal Zone Campus du 18 février au 2 mars. De retour au Palmarès, c'est fou et on continue avec les positions numéro 7 du côté anglophone, c'est Shane Philippe et Good Morning. Mais tout de suite, on écoute une pièce de Jean-Philippe qui s'appelle « Je veux prendre mon char » et restez là parce que juste après, on vous donne le CD. So good to wake up in the morning, catch the sun on the rise. Wayne Philippe, Good Morning, en 7e position anglophone, ça monte d'une place. Ça vient de son album In the Moment. Et juste avant, c'était Jean-Philippe avec Je veux prendre mon char, qui monte de la 11e position. C'était une nouvelle entrée il y a quelques semaines de ça. L'album s'appelle Semblant d'y croire. Oui, c'est sa 3e semaine pour Jean-Philippe. Et d'ailleurs, ben, j'ai un album de Jean-Philippe à vous donner. Oui, l'album Semblant d'y croire. Je l'ai entre mes mains ici. Il est tout frais, emballé, prêt à être déballé par vos petites mains, toutes fébriles. Le numéro de téléphone en studio, c'est le 819-376-5183. Attendez la pièce musicale qui va commencer avant de me téléphoner. 819-376-5183. Et le concours s'adresse seulement aux gens qui nous écoutent en direct le vendredi soir, 22 février. 819-376-5183 dans quelques secondes. Mais avant, on s'en va entendre nos positions numéro 6 du côté anglophone. C'est The Feminist avec The Beginning of the World qui vont d'une place. Et tout de suite, c'est 4D avec les morts vivants. Siffle. Et là, c'est votre signal. 819-376-5183. J'attends vos appels. Les rues sont désertes et le pavé est brouillé. Les morts vivants perdent des bras et le sang s'assifle. Ce n'est pas vivant. Crache dans les poubelles, pleines de verre et de nourriture souillée. Tourne ta tête et regarde-les. Venir vers toi, ce sont des renégats. Cours le plus vite que tu peux. Tu sentiras que tu vis en ennemi. Le nez te saigne, tu lances des roches. Par la fenêtre, tu vises les torches. Venir vers toi, ce sont des renégats. Les murs sont debout et sont muets. Mais la remange vos épaves. Même sans le cœur, elles foncent vers moi. L'impie, l'imprudent, l'impertinent. Qui quitte les corps morts, prend son temps avec une pioche, tu les traverseras. Ils sont debout et sont muets, mais l'arme mange vos épaves. Elles sont le cœur, elles foncent vers moi. L'impile, imprudent, l'impertinent. And all the evidence you say is quickly

The Feminist, c'est The Beginning of the World, en sixième position anglophone. L'album s'appelle Can't Scream Loud Enough. Vous êtes au Palmarès des Fous, un condensé de la meilleure musique que ces fois à vous offrir. Juste avant The Feminist, c'était 4D. Les morts vivants sifflent, ça monte de 3 places. 4D, un groupe que j'apprécie particulièrement. L'album s'appelle L'Équanimité. On est rendu au 5e position. Que les choses vont vite. Comme toujours, quand c'est de la bonne musique, le temps passe très rapidement. Du côté anglophone, la 5e, c'est The Hives avec Tic Tic Boom, l'ancien numéro 1 la semaine dernière. Maintenant, 5e, c'est dommage pour la pièce de The Hives. Leur album, c'est The Black and White Album. Mais tout de suite, on va l'entendre, la position numéro 5 francophone, c'est El Motor et Dea del Cesso. Restez avec nous parce qu'à partir de 20h les vendredis soirs, c'est la dernière porte à gauche avec Kiwan. On a toujours très très hâte à cette émission. Et le mercredi, ben c'est les gentils gens des choix de Molière ou quelque chose de genre. Qu'est-ce que c'est? C'est à 18h la prochaine émission. Ah oui, c'est l'assaut! L'assaut! Avec Frédéric Lévesque Saint-Don. Rar, viril! Parle au trucker. Tu t'en vas, t'es dans ton truck, t'as ta cargaison en arrière, t'es sur le frein Jacob, tout le kit, tu te demandes quoi écouter comme musique. Pose-toi pas trois questions, gros. Entre deux œufs bacon, Sintonie CFOU. C'est fou au 89.1. De Hives, l'ancien numéro 1, maintenant numéro 5, anglophone. Juste avant, c'était El Motor et Dia del Sesso qui monte d'une place, oui, de la sixième, tranquillement pas vite, vers le numéro 1 pour El Motor, qui ne manque pas de power pour se rendre jusqu'au sommet. On va être rendu au numéro 4 dans quelques secondes, mais avant, je vais vous dire qu'un petit peu plus tard, au début de la troisième heure, on va voir ce qui se passe cette semaine à Vidon la Don la question. Le thème de l'émission de cette semaine, c'est les MILF. Il y a un concours de MILF. Est-ce que vous savez ce que c'est une MILF? Est-ce que vous savez ce que c'est une Cougar? Vous allez apprendre plein de choses dans la prochaine édition de Vidon la Don la question, un petit peu plus tard, ici dans les palmarès, c'est fou. On va aussi parler d'un paquet d'autres choses, dont des gens stupides qui font des choses stupides. Mais avant, les positions numéro 4 de chaque côté. Du côté anglophone, c'est Coheed and Cambria avec Feathers. Et tout de suite, voici Hiver de Jérôme Millière. Vous écoutez les palmarès, c'est fou au 89.fm. De retour du travail, le train-train quotidien. Ne me dis rien qui vaille, abruti par la lumière. Les grands couloirs de métro et l'encre noire du dehors. Il y a bien un ou deux rêves, semblant de trêve, au fond du téléviseur, au fond d'une bière. Encore un autre hiver, encore un autre hiver, encore un autre hiver, encore un autre hiver. De l'extérieur on n'a pas l'air,

Coheed and Cambria avec Feathers en quatrième position anglophone. Ça monte d'une place. Avant de faire le reste, là, retournons en arrière hein, et regardons ce qui a joué depuis le début de la deuxième heure. On commence par les neuvièmes positions. Du côté anglophone, c'était Hot Chip avec Out of the Pictures. Et en franco, c'était Nico Lelièvre et Les Fous. En huitième, c'est Aiden avec Infield and Town et Rudy Kaya avec Le Taureau. En septième, Shane Philippe avec Good Morning et Jean-Philippe. Sean-Philippe et Jean-Philippe aux mêmes positions. Jean-Philippe, c'est Je veux prendre mon char. En sixième, du côté anglophone, c'était The Feminist avec The Beginning of the World. Et en franco, c'était 4D avec Les Morts Vivants Siffle. En cinquième, c'était The Hives avec Tic Tic Boom. Et El Motor avec Eda Dea de Cesso. En quatrième position, c'est ce qu'on vient d'entendre, Coheed and Cambria avec Feathers qui monte d'une place. Et du côté francophone, c'est stable, Jérôme Minière avec Hiver. Dans la troisième heure, on va vous révéler nos grands numéros 1, mais on va aussi entendre les positions 2 et 3. On va entendre des artistes dans le désordre total tels que Samian, Le Husky, Gatineau, Madcaps, Sundry Lurky et Horror Pops qui sont les grands gagnants. La semaine dernière, les numéros 1, c'était The Hives avec Tic Tic Boom. On sait déjà que c'est, ça ne tient pas du tout en anglo. Et en franco, c'était Gatineau avec Pawn Shop, qu'on n'a pas encore entendu, donc encore dans le top 3, probablement. À quelle position, on ne le saura peut-être jamais. Non, on va le savoir d'ici environ une heure. Dans la troisième heure, on va aussi avoir le segment cette semaine à Vidon la don la question. On va parler de Madame de Mich, Madame Mademoiselle MILF, concours, la Miss MILF 2007, n'est-ce pas? Tout ça dans les palmarès, c'est fou, l'émission qui vous présente un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir au 89.1 FM. Restez avec nous! Bonjour, c'est les Panaras, c'est fou pour la semaine du 22 au 28 février 2008 et je me nomme Mathieu Plante. Troisième heure qui va révéler les grands numéros 1 et on va aussi entendre les positions 3 et 2. Ça va être, ma foi, plutôt intéressant comme dernière heure. On va aussi avoir un bloc Écoutons la don la chanson vers la fin. Je vais vous présenter mon palmarès personnel, des pièces que j'aime bien, que j'ai dans la tête assez souvent de ces temps-ci. Tout de suite, voici le numéro 3 du côté anglophone, c'est Madcaps avec Surrender. Mais on commence par Le Husky et Je vous aime, mes amis. Je vous aime, les palmiers à la maison. Je peux vous appeler les palmiers. On se connaît assez avec le temps, hein. On dirait que ma vie se déroule sans moi. Tous les beaux moments, je ne les goûte pas. Celui qui vous passe est un autre que moi. Si je suis vivant, eh bien je ne sais pas. Où que j'aille, je ne suis jamais à ma place. Mes sourires semblent plus à des grimaces. Et porter un masque, je trouve ça dégueulasse. J'en ai plus qu'assez de traîner ma carcasse. Chanter les filles sont belles. Et j'avais des rêves grands comme des gratte-ciels. Mais les choses maintenant ne sont plus pareilles. Bientôt sera venue l'heure du grand sommeil. La lune est pleine, je pleure comme une fontaine. Couché à côté de l'auto américaine. De mes parents je suis sûr et qu'ils m'aimaient. Mais le monoxyde commence à faire effet. Yeah.

vas comprendre. Alors on se bat, je trouve qu'à sa tranche, pense j'avais d'un poignet un page, puis me mettre avant, j'ai guéri de faire le marre de check et cash, en faire chercher par tout le monde, partout, partout, tout est bas. Tous des jeunes que de mille, on l'a t'a d'or, et finalement, j'ai pas de mots de ça qui m'adore. L'installer, ça va mal à la chambre. L'installer, y'a pas ma plus de temps que d'un. L'installer, j'pense pas mal de temps, pas de job. L'installer, ma vie a pris une drop. L'installer, ça va mal à la chambre. L'installer, y'a pas ma plus de temps que d'un. L'installer, j'pense pas mal de temps, pas de job. L'installer, ma vie a pris une drop. En ce moment, je m'en bats de la pente quand ça sonne à la porte. Check par la fange, m'attends ce que les chalocs. Personne descend, que le propriétaire défonce. Puis qui rentre, le menace de faire couper les draps. Moi, je rockmount. J'ai plus combien de chèques en plaque. Que rebondir sa banque, les huissiers peuvent saisir. Y'a rien à prendre, je veux juste qu'on m'aide un peu. Que je puisse me reprendre. Just like Horror Pop, c'est Thelma and Louise en deuxième position anglophone. Oh oui. Oh yeah. Juste avant, c'était Gatineau et Punch Up, l'ancien numéro 1, maintenant en deuxième position francophone. Et maintenant, mais je pense qu'on devrait parler de gens stupides qui font des choses stupides. Voici le plancher. Notre tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides. On commence par Francis Lemelin, un des 17 présumés pirates arrêtés mercredi par la SQ, a préféré passer la nuit en prison plutôt que de se faire interdire d'approcher un ordinateur. Le programmeur analyste de 26 ans, chez qui les limiers ont saisi 19 appareils mercredi dernier, tentera d'obtenir des conditions de libération plus clémentes. Le juge Robert Marquis, tranchant sur ses conditions de libération, lui a interdit de travailler sur un ordinateur branché sur Internet, d'entrer en contact avec, avec ses présumés complices, de se rendre dans un café Internet et même de résider à un endroit où se trouve un ordinateur. Il s'est également fait imposer une caution de 3 000 $. Et je cite « Monsieur, je perds ma vie, je vais être obligé d'aller sur le BS demain. » C'est plein d'informaticiens. « Où je vais aller? Je ne peux même pas retourner chez moi. Mes collègues ont tous des ordinateurs. » a-t-il ajouté, visiblement irrité. Selon son avocat, Lemelin se rappelle avoir fouillé dans des ordinateurs quand il était adolescent, mais ça ne lui est pas arrivé depuis 5 ans, a soutenu le suspect devant le juge. Une garderie suédoise a interdit à ses employés et aux enfants de porter des vêtements à poids ou rayés en raison de migraines qu'ils provoquent chez un membre du personnel. Et je cite, « J'avais de la peine pour la personne en question et j'ai donc adapté les conditions de travail. Cette personne doit pouvoir travailler », a expliqué May Norberg, directrice de la garderie au quotidien Norrländska Socialdemokraten. Les parents ont déclaré au journal que les enfants qui se présentaient à la garderie le matin portant des vêtements avec les motifs prohibés s'en voyaient attribuer de nouveau aux couleurs unies. Le président d'une association suédoise de parents d'élèves s'est dit surpris par la mesure. « J'ai du mal à imaginer que l'école soit autorisée à formuler de telles demandes. » Selon le professeur, un professeur de neurologie à l'hôpital Sahlgrenska à Göteborg, dans l'ouest de la Suède, est spécialiste des migraines. Les rayures peuvent déclencher des migraines chez certains patients. Certaines personnes sont très sensibles aux effets visuels. Certaines le sont tellement qu'une migraine peut survenir en raison de rayures ou de l'agencement particulier de pavés. C'est ce qu'il a témoigné auprès de l'agence de presse suédoise TT. Et finalement, un Italien de 72 ans qui se faisait passer pour aveugle depuis 40 ans pour toucher une pension d'invalidité a été interpellé alors qu'il était au volant d'un véhicule, selon c'est ce qu'ont indiqué les carabiniers sur la chaîne d'information en continu Sky TG24. L'homme a été interpellé lors d'un contrôle routier et n'a pas été en mesure de fournir son permis de conduire. Interrogé sur la raison de l'oubli, l'homme particulièrement nerveux n'a pas su apporter de réponse et s'est contenté d'affirmer qu'il était invalide. Nous avons par la suite consulté le dossier médical de cet homme et à notre plus grand étonnement, il était déclaré aveugle à 100%. C'est ce qu'a indiqué le chef des carabiniers de la Spezia Massimo Giaramita. Une brève enquête a permis d'établir que le faux aveugle bénéficiait d'une pension d'invalidité depuis plus de 40 ans et bénéficiait des avantages accordés aux invalides par une caisse de retraite pour laquelle il avait travaillé pendant plus de 25 ans. Wow! On est rendu à nos numéros 1, on les nomme pas, mais les voici tout de suite. Maintenant, ou comme on dirait... là! Non, attendez. Non. Là! Ouais! Jackpot! Dans une ville appelée Kabak, lieu de débarquement, mes ancêtres ont fait leur pack sac pacifiquement sur l'année canard. En route au nord du Canada. Ça revient à nos colocats, si était temps que l'union se fasse. Qu'on remonte la vraie histoire pour qu'on puisse y faire face. On veut mettre un point entre les nations, confondre la culture, ignorer les préjugés, laisser parler la nature. La barrière entre les peuples, on veut plus la casser. On en a plus cassé, on est placé pour parler. On remonte le temps dans le pantalon de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique et tous ces peuples qui y habitent. On était pacifiques, et encore même aujourd'hui, un homme blanc sur l'Atlantique qui rêvait de faire son pays. On fume le calumet de paix sans rancune, on est capable de rester vrai même si on porte plus de plumes. L'union de nations freine l'ignorance, pousse les connaissances avec un peu de reconnaissance. Mon histoire et la tienne, ça fait deux. Je fais partie de deux peuples, donc je finirai comme l'un d'eux. Nos à l'inconnu, on débarquera parce que cette année on a décidé de se mixer parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Mama with the will, me ma, hey she, mashka with yak, mashka with yak, yeah we are go yak, yeah we are go yak.

to your heart, to your heart. Ah, mais maintenant vous connaissez les numéros 1 des palmarès C'est fou, mais avant de mentionner les numéros 1, voici un petit retour en arrière sur la troisième heure des palmarès C'est fou. En troisième, on a entendu Madcap, c'est Surrender, c'est stable du côté anglophone. Du côté franco, descendre d'une place pour le Husky et Je vous aime mes amis. En deuxième, plus 4 du côté anglophone, Horror Pops avec Tama et Louise. Et du côté franco, c'était le numéro 1 de la semaine dernière, Gatineau et Punch Up. Ça descend malheureusement, l'album de Gatineau est éponyme. Et numéro 1, ben, du côté anglophone, vous avez entendu Sundry Lurky avec Let My Love Open The Door qui monte d'une place, 7e semaine de présence sur nos palmarès. Et le numéro 1 et plus 2, c'est Samian featuring Loco Locas, La Paix des Braves. Ça fait le tour pour les palmarès pour la semaine du 22 au 28 février 2008. J'espère que vous avez aimé cette bonne musique. Si vous voulez plus d'informations sur les palmarès, rendez-vous au cifou.ca. Et si vous voulez voir les liens de la chronique Le Plancher de tantôt, allez voir le unechance.com, c'est le site officiel des palmarès C'est fou. Il y a aussi la liste des pièces qu'on va faire jouer dans quelques minutes à votre émission de palmarès amicale de l'équipe des palmarès C'est fou. L'équipe étant moi-même, ça s'appelle Et que ton adon la chanson, là, et ça s'en vient dans même pas une minute à peine. Si vous voulez me rejoindre en studio, ben le 819-376-5183, hein, le numéro en direct en studio. Et puis, numéro de cellulaire, si vous voulez me parler live, vous pouvez le faire. Palmarès, c'est fou@hotmail.com, c'est notre courriel. Il y a aussi le forum au www.cifou.ca/forum. Et sur le site de C'est fou, ben allez-y tout de suite, hein, parce qu'il y a des nouvelles entrevues. Là. Il y a Steve Hill qui était à Rock Classic récemment. Il y a aussi quelques critiques de jeux là-dessus. C'est le www.cifou.ca. Mais restez avec nous, parce que dans quelques minutes, c'est écoutons la, dans la chanson. C'est bon, ça, oui. Pendant 18 minutes après les palmarès C'est fou, voici écoutons-la donc la chanson. Bonjour, bienvenue à Écoutons la don la chanson, notre palmarès personnel à l'équipe des palmarès. Et cette semaine, mais j'accueille entre deux émissions comme ça Elisabeth Marino avec moi. Bon. Ben oui. Bonjour. Bonjour Mathieu, je suis comme sortie d'une boîte de Cracker Jack. Hein? Non? Ouh! Ouais, c'est ça. Donc, bienvenue Elisabeth Marino, étudiante à UQTR en littérature. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. En train d'écrire son mémoire. Et... oui, entre autres. Entre autres. Entre autres. Mais elle a aussi une très belle voix. Oui. Et je pourrais dire d'autres commentaires, genre elle porte. Non, bon. Non, c'est pas une parade de mode non plus. C'est pas une parade de mode non plus, c'est une c'est un média auditif, c'est auditif, ça. Tout voilà. À fait. Donc bon, arrêtons les niaiseries, accueillons oui. Les gens, les palmiers qui sont de retour après une belle petite pause comme ça. Et nous, ben, ce qu'on fait dans cette émission-là, dans cette petite vingtaine de minutes, c'est qu'on vous présente des pièces qu'on aime bien. Aujourd'hui, ben, j'ai choisi plusieurs bonnes choses qu'on va entendre un petit peu plus tard. On va entendre, entre autres, du Efterklang. Hein? Et du Polyphonic Spree, mais on commence ça par une pièce que j'ai découvert un petit peu plus tôt cette semaine à l'émission Le Poste d'écoute. Dis-moi plus, Mathieu. Ça s'appelle le Taxi Nouveau. Oh. C'est Danny Janvier qui m'a fait découvrir ça dans son blog Fidèle au Poste à l'émission Le Poste d'écoute, vendredi matin à 10h. Et puis on s'en va écouter tout de suite une pièce qui se nomme Créatine Contine. Wow, ça rime. Écoutons-la donc, là. Toon? Chanson. Oh, okay. Hein? Excusez. OK. Honey. La formation After Clang, l'album Parades et la pièce Polly Jean dans Écoutons-la dans la chanson, n'est-ce pas Elisabeth? Tu trouvais ça bizarre un peu, hein? Ah non, non, pas du tout. No. C'est un genre absolument éclectique et... oui, non, mais écoute, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Non, c'est pour ça que je le passe. Je sais que c'est pour ça que tu le passes, mais c'est, je veux dire, la première fois, ça peut saisir, mais je suis pas indifférente. Disons qu'on va le dire comme ça. Tout à fait. C'est bien dit, ça. J'aime ça. After Clang, un groupe danois expérimental pop. Leur album s'appelle Parades. Et si vous voulez plus d'informations, allez voir le myspace.com/afterclang ou encore le afterclang.net, E-F-T-E-R-K-L-A-N-G.net. Mais le lien va être sur unechance.com, le site de l'émission. S'il vous plaît. Ouais. Parce que c'est un petit peu dur à retenir. Juste avant, on a entendu Taxi Nouveau. Et l'homme derrière Taxi Nouveau s'appelle Manuel Chantre. Et puis, si vous voulez plus d'informations, c'est le myspace.com/taxi-nouveau. C'est l'Electronica Ghetto Tech Club. On a à peine le temps pour aller entendre une dernière petite pièce avec ton adon la chanson, n'est-ce pas? Oui. C'est celle de Polyphonic Spree, leur album est The Fragile Army. Et voici la pièce titre tout de suite. Et restez là parce qu'après ça, c'est la dernière porte à gauche. Arriva! c'est bon, la musique en jouée comme ça, de Polyphonic Spree, avec la pièce de leur album The Fragile Army. Ici, écoutons là-dedans la chanson. Ben, c'est déjà la fin de l'émission pour aujourd'hui, n'est-ce pas, Elisabeth? Ben oui. C'est triste, des choses comme ça. Mais vous savez ce qui est vraiment le fun, comme on pourrait dire, c'est d'écouter la dernière porte à gauche qui nous suit à 20h et Kiwan est avec moi pour en parler. Bonsoir. Ah, j'étais sûr que t'allais prendre celui-là comme à l'habitude. Ah, ben non, finalement, j'ai fait une variante aujourd'hui. On a changé les choses, ouais. Nous. Qu'est-ce qui se passe ce soir on the last door on the left? Eh hey, ben ce soir, je fais un retour sur le lancement de l'album de Bivouac qui avait lieu la semaine passée. Vraiment un très bon spectacle. Très bon album aussi, puis c'est vraiment un bel album en plus. C'est un bel objet, là, vraiment. La pochette est hallucinante. Je montre ça tantôt. Une œuvre d'art! Hein? Ouais, c'est vraiment hot. En plus, c'est tout assemblé à la main par le groupe. Là. Ça a dû prendre vraiment des heures interminables. Fait que, moi, je vais vous montrer à vous deux tantôt. Là. Puis, dommage pour les auditeurs qui ne pourront pas voir, évidemment. Mais ouais, c'est vraiment une super belle poche. C'est la dernière porte à gauche ce soir à 20h, les vendredis. Merci, Kiwan. Ben, merci à toi. Merci. Comme toujours. Ben, fait plaisir. Fait plaisir. Elisabeth, merci d'être restée pour la dernière vingtaine de minutes. Bon, on te retrouve très bientôt, comme toujours. Ben moi, c'est Mathieu Plante. Merci d'avoir été là pour les palmarès C'est fou et pour écoutons la don la chanson. Je vous retrouve à La Connexion, émission d'informatique et de jeux vidéo, jeudi 11h. Et puis, il y a aussi le poste d'écoute les vendredis matins à 10h. Mais les palmarès, eux, ce que vous écoutez en ce moment, c'est les vendredis soirs à 17h, les mercredis maintenant à 15h. Faites attention à vos genoux de la part de toute l'équipe fictive et de toute l'équipe présente dans les studios. Bonne soirée et bonne chance!